إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 27 dans l'explication de Al-Fatwa Al-Hamawiyya Al-Kubra avec les commentaires du Cheikh Saleh Al-Fawzan dans son livre Al-Ta'liqat Al-Tawdihiyya ala Muqaddimat Al-Fatwa Al-Hamawiyya. Naam, donc le Cheikh Ibn Taymiyyah, à l'endroit où on a laissé au dernier cours, il expliquait que on a lu au dernier cours ومن زعم أن الله ليس فوق العرش يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل Donc ça c'est le passage qu'on a lu au dernier cours. Et on réfutait les différents shubuhat des gens de kalam et des gens de ta'til qui essaient d'argumenter dans le but d'essayer de faire la négation des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, en prétendant que d'affirmer les noms et les attributs d'Allah, c'est quelque chose qui était impossible logiquement, ou quelque chose qui était illogique. Et donc, le Cheikh, Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah, il dit « وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ اللَّهَ لَيْسَ فَوْقَ الْعَرْشِ فوق العرش يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل. Donc ils prétendent qu'ils sont obligés d'avoir recours à la déformation du sens des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que sinon c'est quelque chose qui est impossible logiquement de prendre les textes tels quels. Et le Cheikh Ibn Taymiyyah, comme on a commencer à répondre à certaines de ces shubuhat, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah il dit وَيَكْفِيكَ دَلِيلًا عَلَى فَسَادِ قَوْلِ هَؤُلَاء أَنَّ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِّنْهُمْ قَاعِدَةٌ مُسْتَمِرَّةٌ فِي مَا يُحِيلُهُ الْعَقْلِ بَلْ مِنْهُمْ مَنْ يَزْعُمُ أَنَّ الْعَقْلَ جَوَّزَ أَوْ أَوْجَبَ مَا يَدَّعِي الْآخَرُ أَنَّ الْعَقْلَ أَحَالَهُ. Donc, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, et c'est suffisant pour toi comme preuve de la corruption de la parole de ces gens-là, et la parole de ceux qui prétendent que tu as besoin du ta'wil, et que tu as besoin de déformer le sens des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que selon eux, c'est impossible et illogique d'affirmer les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala tels quels. Eh bien, la preuve, il dit, ça suffit comme preuve pour montrer que cette parole-là est corrompue et qu'elle est pas correcte, qu'elle est fausse, qu'ils n'ont pas une règle générale qui est perpétuelle et qui continue. Chez elles, il n'y a pas une règle perpétuelle et qu'ils appliquent sur tous les cas et qui est la même règle dans ce qu'ils prétendent être impossible logiquement par rapport aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il continue même en disant, et que parmi eux, tu trouveras même certains qui prétendent que la raison permet ou oblige ce que l'autre prétend que la logique interdit. C'est-à-dire que tu vas trouver parmi les gens de Tartine, les gens d'Égarement, il y en a un, il dit, la logique oblige qu'on affirme telle ou telle chose, tel attribut ou tel nom. Tandis que l'autre, il dit, la logique oblige qu'on nie cet attribut-là et qu'on ne l'affirme pas. Donc, il réfère les gens ou ils appellent les gens à revenir à la logique ou à la raison. Pourtant, chacun d'entre eux a une raison différente, une logique différente. Un, il dit la logique impose ça, l'autre dit la logique interdit la même chose. Alors que c'est une seule et même chose, un il l'interdit, l'autre il l'oblige. Elle est où la règle? En principe, si quelque chose est logique, et si quelque chose est rationnel, ça doit être constant. Hein? Mais regarde, supposons dans la science, dans les affaires de la dunya, ok? Que ce soit un docteur, un professeur de physique, un professeur de chimie, un professeur de n'importe quelle autre matière qui a rapport avec la science. S'il ramène une règle par rapport à quelque chose, ou par rapport à une réaction, eh bien, cette règle doit être continuelle. C'est pas à chaque fois qu'il fait l'expérience, la règle change. Si à chaque fois qu'il fait l'expérience, il y a une nouvelle règle qui s'applique, alors on peut pas appeler ça quelque chose de logique ou de scientifique. Hein? Eh bien, c'est ça en fait que Cheikh al-Islam est en train de dire là maintenant, par rapport au nom et aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si une fois tu dis ça c'est la logique, il faut l'affirmer. Et là, après, l'autre individu qui fait le ta'til, il dit, ah, ça c'est la logique, il faut le nier. Et c'est le même attribut. Donc, elle est où la règle de logique? S'il y a une logique, il faut que ce soit constant. Il ne faut pas que ça change à chaque fois. Et ça, c'est la preuve de la corruption de leurs paroles. Cheikh Al-Fawzan, il dit, يكفيك دليلا على فساد قولهم أنهم لم يتفقوا على حجة واحدة يعتمدون عليها في نفيهم ما نفوه واضطرابهم دليل على فساد قولهم. C'est suffisant pour toi comme preuve pour montrer la corruption de leur position et de leurs paroles qu'ils ne se sont pas mis d'accord sur une seule preuve sur laquelle ils pourraient se reposer dans leur négation des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'ils ont niés. Hein? Et la confusion et les contradictions dans lesquelles ils sont, eh bien, c'est la plus grande preuve de leur égarement et de leur corruption. Donc, بل منهم من يزعم أن العقل جوز أو أوجب ما يدعي الآخر أن العقل أحاله. فيا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة فرضي الله عن الإمام مالك ابن أنس حيث قال أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء. Donc, Cheikh al-Islam il dit, certains d'entre eux prétendent que la raison permet ou oblige ce que l'autre prétend que la logique interdit. Alors, yani, il dit, faya alayta shi'ari, c'est une expression, yani, dans le sens que c'est pour exprimer son étonnement, hein, quand t'es surpris, étonné par quelque chose. Hein, tu dis, ya alayta shi'ari, hein, en voulant dire, yani, avec quelle raison ces gens-là, yani, juge ou pèse le Coran et la Sunna. Avec quelle balance et avec quelle règle il juge le Coran et la Sunna. Et en voulant dire, ces gens-là, ils n'ont aucune logique et aucune base. Et qu'ils jugent le Coran et la Sunna et où ils utilisent le Coran et la Sunna avec une balance qui n'est pas ajustée, qui n'est pas correcte. Alors il dit que Allah soit satisfait de l'imam Malik ibn Anas. Lorsqu'il a dit, est-ce que chaque fois qu'un homme qui sait mieux argumenter qu'un autre vous vient ou nous vient pour discuter, argumenter et débattre? Est-ce qu'à chaque fois qu'il y en a un qui vient qui sait mieux débattre que l'autre, on va abandonner ce que Jibril a amené au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à cause de leur argumentation? Hein? Tu comprends? Non? C'est-à-dire, c'est arrivé à l'époque de l'imam Malik. Il y a un homme qui est venu voir l'imam Malik. Il lui a dit, je veux argumenter avec toi, je veux débattre avec toi sur quelque chose. Alors l'imam Malik a dit, ok, mais qu'est-ce qui arrive si tu débats avec moi, qu'est-ce qui arrive après? Il a dit, si moi j'ai raison, tu vas me suivre. Et si toi t'as raison, moi je vais te suivre. Alors l'imam Malik a dit, et qu'est-ce qui arrive si un troisième arrive, puis il débat contre nous deux et il nous écrase tous les deux. Il a le dessus sur nous deux. Qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas-là? Il a dit, dans ce cas-là, on va laisser nous deux, qu'est-ce qu'on a, puis on va suivre celui-là. Hein? Alors, l'imam Malik a dit, est-ce qu'à chaque fois qu'un homme qui sait mieux argumenter vient avec quelque chose de nouveau, on abandonne ce que Allah a révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par l'intermédiaire de Jibril à cause de l'argumentation de ces gens-là, en voulant dire, si tu fais ça, qu'à chaque fois que tu as une aqida, mais tu changes ta aqida à cause des argumentations des gens, de leur logique, des arguments qu'ils ramènent pour essayer de débattre avec toi, et tu laisses de côté le Coran et la Sunna et tu suis n'importe qui, eh bien à la fin tu n'as plus de religion. C'est ça que ça veut dire. Hein? Donc l'imam, le Cheikh Al-Fawzan, il explique. Il dit, هل العقل يوازن الكتاب والسنة؟ فالكتاب والسنة وحي من الله العليم الخبير. والعقول إنما هي أفكار البشر ومداركهم. فهل تقاس أفكار البشر وعقولهم بالوحي المنزل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد؟ لا يمكن هذا ولا يمكن أن يوزن الكتاب والسنة بالعقول. Donc le cheikh il dit, est-ce que c'est la logique qui doit juger le Coran et la Sunna? Le cheikh il dit, le Coran et la Sunna sont des révélations d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala est al-alim al-khabir. Il est l'omniscient et le parfaitement informé. Et les logiques que les gens suivent, c'est uniquement des idées humaines qui sont le résultat de ce que les êtres humains ont réussi à essayer de comprendre de la vie ou du monde. Est-ce que tu vas comparer donc des idées humaines et des logiques humaines avec la révélation qui est révélée par celui qui est Al-Alim Al-Khabir, qui a révélé le livre que le faux ne peut approcher ni par devant ni par derrière? C'est une révélation d'un sage digne de louange. Tu vas comparer la logique d'un homme et les idées d'un homme avec la révélation du créateur de l'univers? Hein? Tu peux pas faire ça. Le cheikh dit, c'est pas possible. Et donc, on ne peut pas juger avec notre logique personnelle ou notre propre intelligence ou la logique de Platon ou la logique d'Aristote ou des autres parmi les mouchriquines, de juger le Coran et la Sunna de cette façon-là, en se basant sur ce qu'on prétend être de la raison ou de la logique. C'est pas possible. Alors, le cheikh, il parle de la parole de l'imam Malik ensuite. Il dit, « هذا l'imam Malik ibn Anas, imam dar al-hijra, الذي تضرب إليه أباط الإبل للأخذ من علمه, رحمه الله, ينكر من يقول أو كل ما جاءنا رجل أجدل من رجل, يعني أكثر جدالا, نترك ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم, فهو ينكر الاعتماد على العقل, لأن العقلانيين يعتمدون على جدليات مختلفة, كما قال الله تعالى, إنكم لفي قول مختلف, يؤفك عنه من أفك, قتل الخراصون. يعني أن كل واحد من هؤلاء العقلانيين مردود عليه ومبطل قوله. بما رد به على الآخر فلم يصح من أقوالهم شيء لأنها مختلفة ومخالفة للكتاب والسنة. Donc le cheikh il dit l'imam Malik ibn Anas c'est l'imam de Dar al-Hijra, l'imam de Médine. Et les gens faisaient des longs voyages à d'autres chameaux pour arriver jusqu'à lui, pour lui poser des questions et prendre de sa science. Et l'imam Malik, il est en train de condamner le fait que chaque fois que quelqu'un vient avec une argumentation ou une façon de débattre qui est meilleure ou plus forte que celle de l'autre, hein, il sait mieux argumenter, il sait mieux débattre, on abandonne ce qui a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour suivre son argumentation et ses idées. Hein. Donc, le cheikh, il mentionne que l'imam Malik, dans cette parole-là, il est en train de condamner celui qui se base uniquement sur sa raison et son intelligence et sa logique et qui laisse de côté la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le sens qu'il met sa logique au-dessus du Coran, au-dessus de la Sunna. Hein? Alors que sa logique, elle est fausse déjà en partant. Hein? Donc, il dit les al-aqlaniyin yatamiduna ala jadaliyat mukhtalifa. Donc les rationalistes, hein, ceux qui veulent essayer d'expliquer ou de comprendre toute chose dans la révélation selon leur propre logique, hein, selon leur propre raisonnement, ils se basent sur certaines formes d'argumentation divergentes. Hein. Et les gens, en général, tu vois que les gens, quand on parle de logique, ils ne comprennent pas nécessairement qu'est-ce que ça signifie. Parce que chaque personne qui suit quelque chose, il a une logique derrière. Il y a personne, même parmi les kuffars et les mushrikines, il y a personne qui va faire quelque chose ou croire en quelque chose sans qu'il se base sur un raisonnement, sans qu'il essaie de se baser sur une logique. Hein? Sauf qu'il y a des raisonnements, il y a des logiques qui sont bonnes, qui sont bons, des raisonnements qui sont corrects, et il y en a qui sont faux. Il y en a qui sont erronés. Il y en a qui sont incorrects. Les gens qui font des péchés, qui désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala, parfois tu les entends, ils essaient de justifier leurs péchés avec des arguments logiques et rationnels. Hein? Et ils essaient d'expliquer pourquoi ils ont fait ces péchés-là. Et ils essaient de donner des bonnes explications pour justifier ces péchés. Hein? Par exemple, quand tu entends des koufars, par exemple, qui défendent la prostitution, ils vont donner des arguments pour dire pourquoi c'est correct selon eux que ces choses-là se fassent. Hein? Ou bien, il y en a plein d'autres crimes ou d'autres péchés, il y en a qui vont dire oui, moi je suis d'accord avec ça. Surtout à notre époque, les koufars, avec leur philosophie, ils essaient parfois de défendre tout ce que Allah a interdit. La drogue, l'alcool, hein. Écoutez les koufars, par exemple. C'est quoi leurs arguments quand ils veulent dire pourquoi c'est permis de vendre de l'alcool pour eux? Pourquoi ils acceptent qu'on vende de la cigarette alors qu'ils savent que c'est mauvais? Mais ils essaient toujours d'amener des raisonnements, des arguments, des logiques, hein. Donc, pourquoi leur logique, elle est en contradiction avec notre logique? C'est parce que leur logique est basée sur des principes, des prémices qui sont fausses. Et notre logique à nous, en tant que, du fait qu'on est musulman, du fait qu'on est des croyants, on base notre logique et nos raisonnements sur la révélation d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Sur le fait qu'on sait qu'on est des serviteurs d'Allah, qu'on est créé par Allah, que Allah a créé ce monde pour qu'on l'adore, et qu'il nous met à l'épreuve, et qu'il nous teste, et qu'on va être jugé au jour de la révélation, au jour de la résurrection, et que ceux qui font le bien et qui obéissent, qui croient au tawhid, vont être au paradis, et que ceux qui font le shirk et qui désobéissent, et qui rejettent les messagers, ceux-là vont être en enfer. Hein? Et que chacun va être jugé selon ce qu'il a fait. Ça, c'est notre logique. Il y a une base, il y a une logique là-dedans. Hein? Que les messagers se basent sur la révélation d'Allah. Donc, il y a des logiques, il y a une logique. Et les kuffars, ils ramènent des trucs pour essayer de faire qu'est-ce que Allah a interdit. Ils ramènent leur logique. Et les gens de bid'ah, les gens de secte, eux aussi, ils ont une logique qu'ils ramènent. Mais c'est toujours des logiques qui sont en contradiction avec la révélation d'Allah. D'accord? Donc, quand quelqu'un utilise le terme logique, il faut comprendre qu'il y a plusieurs différentes formes de logique. Et que chacune de ces logiques-là se base sur des principes. Et qu'il y en a de ces principes-là qui sont vrais, et il y en a d'autres qui sont faux. Hein? D'accord? Donc, il faut bien comprendre ça et faire bien attention. Hein? Il y a des... Hier, j'écoutais une conversation, j'étais dans un endroit, un lieu public. Il y avait un homme qui parlait à une femme et qui était en train d'essayer de la convaincre au sujet, de son mode de vie de libertin. Pour essayer de lui faire comprendre que le libertinage, c'était quelque chose qui était correct et qu'il fallait juger personne, il fallait laisser tout le monde libre. Il ramène des arguments logiques pour essayer de justifier ça. Hein? Tout ça, c'est des exemples pour dire que même les ulama, ils ont mentionné ça aussi. Mais même les mouchriquins, quand ils font le shirk, ils essaient de ramener une logique derrière. Par exemple, quand les gens veulent ramener des intermédiaires entre eux et Allah et adorer des morts et des saints, ils essaient de ramener une logique pour le justifier. Ils vont dire, par exemple, nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait le tawassul, hein, comme le cours d'hier, on a expliqué, le tawassul. Hein. Il y a quand même des termes qu'on ne connaît pas, que les gens ne connaissent pas en général, pour les mélanger. Après, ils essaient de faire dire, mais regarde, si tu vas aller voir le président ou le roi dans un pays, tu ne peux pas aller frapper à sa porte. Ils ne vont pas te laisser rentrer pour voir le roi ou le président ou le ministre. Tu dois donc passer par quelqu'un d'autre qui est plus élevé, qui est plus proche. Et lui va aller transmettre au roi ou au président ou au ministre ta demande. Ça, est-ce que c'est logique ça ou non? Yanni, par rapport à la dunya, par rapport au roi, par rapport au président, est-ce que ça c'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. Mais lorsqu'on prend cet exemple, et qu'on essaie de le mettre, hein, pour l'appliquer par rapport au créateur de l'univers, et de dire, on ne peut pas adorer Dieu directement parce que, hein, le Dieu, le maître de l'univers, c'est comme le roi dans cette vie, ou le président, puis que si tu veux aller le voir directement, ça ne marche pas, il faut que tu passes par un saint, ou par un homme pieux, qui lui va transmettre ton adoration à Allah. Eh bien là, tu vois que cette logique-là, il y a des fautes dedans, il y a des erreurs dedans. Premièrement, parce que le roi, dans cette vie, il ne te connaît pas. Il ne connaît pas tous ses sujets, tous ses citoyens, il ne le connaît pas. Tandis que Allah connaît toutes ses créatures, il les connaît. Il les connaît même mieux qu'elles se connaissent elles-mêmes. Hein? Et en même temps, les rois, les ministres, eh bien, étant donné que eux-mêmes, pour maintenir leur pouvoir, ils ont besoin de leurs députés, de leurs secrétaires, ils ne peuvent pas être tout seuls. Donc, souvent, ils leur doivent des faveurs, des services, pour garder leur fidélité, pour qu'ils continuent à être fidèles envers eux. Mais Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de personne. Il n'y a personne qui a une faveur sur Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a plein de différences comme ça. C'est pour montrer que leur logique, la logique des mouchriquins, elle est fausse. Parce qu'ils font des analogies entre les créatures et Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'il y a des différences entre Allah et ses créatures. Il n'y a pas de ressemblance entre Allah et ses créatures. Et la même chose par rapport à la question des noms et des attributs. Lorsqu'ils essaient de nier des attributs d'Allah en se basant sur l'exemple qu'ils font de ressemblance dans leur esprit avec les créatures, eh bien, ils tombent dans une logique qui est incorrecte. Donc c'est dans ce sens-là ici qu'il faut comprendre ça. Le Cheikh, il a mentionné, Cheikh Al-Fawzan, il a mentionné les versets 8 à 10 dans Sourate Al-Dhariyat. Et il mentionne ces versets-là pour montrer l'égarement de ceux qui se basent uniquement sur leur logique et qui délaissent la révélation. إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. Donc c'est les premiers versets, versets 8 à 10. Aina, maudits soient les menteurs. Qutila al-kharrasoun. Le verset 8. Vous divergez sur ce que vous dites. C'est ça. Vous divergez sur ce que vous dites. Hein? Et détourné de lui, quiconque a été détourné de la foi. C'est-à-dire, a été détourné de lui, c'est-à-dire détourné du Coran ou du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quiconque a été détourné de la foi. Yufaku anhu man ufik. Qutila al-kharrasoun. Maudits soient les menteurs. Donc le cheikh, il mentionne cet exemple-là pour dire que ces gens-là sont dans cette divergence-là entre eux à cause du fait qu'ils ont traité de mensonge la révélation. Après, il dit « وَكُلٌ مِنْ هَاُلَا الْمَخْصُومِ بِمَا خُسِمَ بِهِ الْآخَرِ وَكُلٌ مِنْ هَاُلَا مَخْصُومٌ بِمَا خُسِمَ بِهِ الْآخَرِ وَهُوَ مِنْ وُجُوهِ. » Donc, le cheikh, il dit, cheikh Ibn Taymiyyah, il dit, chacun d'entre ces groupes-là est réfuté ou disputé parce que l'autre a utilisé pour réfuter, ou bien parce que l'un a utilisé pour réfuter l'autre. Et j'ai donné des exemples de ça au dernier cours, puis dans les cours précédents aussi. Et j'ai expliqué ça de façon simple, dans le sens que on a expliqué déjà qu'il y a les Jahmiya. Dans la tête des égarés par rapport aux noms et aux attributs d'Allah, il y a la secte qu'on appelle les Jahmiya. Okay? En dessous des Jahmiya, il y a les Mu'tazila. En dessous des Mu'tazila, il y a les Asha'ira et les Maturidiya. C'est des sectes qui ont dévié au sujet des noms et des attributs d'Allah. Les Jahmiyyah sont en haut et c'est les plus extrémistes parce qu'ils ont nié les noms et les attributs d'Allah en entier. Et ils disent, on ne peut rien dire à propos d'Allah excepté qu'il existe. Mais on n'affirme rien parmi les noms et les attributs qui sont dans le Coran, on ne les affirme pas. C'est des choses symboliques et allégoriques. Ça, c'est les Jahmiyyah. En dessous des Jahmiyyah, il y a les Mu'tazila, eux, ils ont dit, on affirme les noms seulement, mais on nie toutes les attributs, sans exception. Et les noms n'ont aucune signification. C'est juste des noms, mais qui n'ont aucun sens. Al-Alim, l'omniscient, Al-Qadir, le Tout-Puissant, Al-Aziz, ça, c'est des noms. Mais ça ne veut rien dire pour eux. Donc, il n'y a pas d'attribut. Et en dessous, il y a les Asha'ira et les Maturidiya. En dessous des Mu'tazila, il y a les Asha'ira et les Maturidiya. Eux, ils affirment les noms d'Allah, mais ils nient toutes les attributs, excepté sept. Contrairement aux Mu'tazila, qui, eux, nient toutes les attributs sans exception. Donc, les Asha'ira, ils affirment sept attributs seulement. Donc, chacun d'entre eux, en fait, ils se débattent les uns les autres. Ces trois sectes sont les trois sectes qui ont dévié. Mais les Mu'tazila réfutent les Jahmiya. Et ils pensent qu'ils sont en train de défendre l'islam contre des égarés. Et qu'ils pensent que c'est eux qui représentent les musulmans dans ça. Donc, eux, ils disent aux Jahmiya, vous avez tort, pourquoi vous affirmez pas les noms? Hein? Et les Jahmiya leur répondent. Et ils leur disent, mais on n'affirme pas les noms, parce que si on affirme les noms, ça veut dire qu'il y a plusieurs dieux. ou bien ça dit qu'il y a une ressemblance entre le créateur et la créature. Hein? Maintenant, les Asha'ira, eux, réfutent les Mu'tazila et les Jahmiya. Et ils leur disent, pourquoi vous affirmez pas les attributs comme nous? On a affirmé sept attributs. Hein? Vous avez tort de nier les noms, vous avez tort de nier ces sept attributs-là. Parce que selon eux, ces sept attributs-là sont affirmés par la raison, par la logique. Donc, les Jahmiya et les Mu'tazila répondent et disent, ces sept attributs-là que vous avez affirmés sont des attributs qui sont présents chez les créatures. La vue, l'ouïe, la science, la puissance, la sagesse, hein, et la parole. Des attributs qui sont présents chez les êtres humains. Alors, qu'est-ce qu'ils disent les Asha'ira? Les Asha'ira disent, oui, c'est vrai que ces attributs-là sont présents chez les êtres humains. Sauf que, quand on les affirme à Allah, elles sont différentes. Parce que Allah, subhanahu wa ta'ala, il est tout puissant. Hein? Il est tout puissant. Il n'a pas les défauts que possèdent les créatures. Sa vue, il voit tout, il entend tout. C'est pas comme les êtres humains qui ont une vue et une ouïe qui est limitée. La même chose avec la volonté d'Allah, pas comme la volonté des êtres humains. La vie, Allah subhanahu wa ta'ala, il est Al-Hayy, le vivant. Est-ce que la vie d'Allah est comparable à la vie des êtres humains? Non, parce que la vie des êtres humains est précédé par le néant, par l'inexistence, tandis que Allah, il existe éternellement. Il n'a pas de début, il n'a pas de fin. Hein? Donc, il n'y a pas de comparaison, il n'y a pas de ressemblance possible entre la vie d'Allah et la vie des créatures, ou la volonté d'Allah et la volonté des créatures. Et les Asha'ira disent aux Jahmiya et aux Mu'tazila, le fait d'affirmer ces sept attributs-là, ça n'implique pas de ressemblance entre Allah et sa création. Donc, on voit qu'ils se réfutent les uns les autres. Maintenant, le Cheikh il dit kullun min ha'ula makhsum bima khusima bihi al-akhar. Donc, les mêmes arguments que ces gens-là ont utilisés les uns contre les autres, nous on peut les utiliser aussi. Par exemple, on répond aux Asha'ira qui eux ont répondu aux Mu'tazila qui eux ont répondu aux Jahmiya. On répond aux Asha'ira et on leur dit, si vous êtes capable d'affirmer les noms et d'affirmer sept attributs et que vous dites qu'il n'y a pas de ressemblance entre ces sept attributs-là et les attributs des créatures, qu'est-ce qui vous empêche alors d'affirmer les autres attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et de dire qu'il n'y a pas de ressemblance entre elle et celle des créatures, hein? Comme l'attribut, par exemple, de quand Allah dit qu'il a une main, ou qu'il a des yeux, ou qu'il est au-dessus de son trône, ou qu'il parle, et ainsi de suite. On les affirme, mais on dit qu'il n'y a pas de ressemblance entre Allah et sa créature. Où est le problème? Donc, ils ont été, en fait, écrasés par leurs propres arguments. D'accord? Et c'est pour ça ici le cheikh il dit khusima bima makhsumun bima khusima bihi al-akhar. Sinon, quand les Asha'ira nous appellent, nous, comme on a dit, des anthropomorphistes, ils disent, vous les salafis, vous êtes des anthropomorphistes. Pourquoi? Parce que vous affirmez tous les attributs et tous les noms. Eh bien, nous on leur dit, oui, mais vous avez été appelé, vous avez été traité d'anthropomorphisme par les Mu'tazila aussi. Et vous avez nié que vous êtes des anthropomorphistes en expliquant que les attributs que vous affirmez, il n'y a pas de ressemblance entre elles et celles d'Allah, hein, entre les attributs des créatures et celles du Créateur. Et la même chose pour les Mu'tazila, ont été traités d'anthropomorphisme par les Jahmiya. Hein? Donc, on répond la même chose que qu'est-ce qu'eux prétendent et qu'est-ce qu'ils ont répondu. Donc, Cheikh Al-Fawzan, il dit quoi ici? يعني أن كل واحد من هؤلاء العقلانيين مردود عليه ومبطل ومبتل قوله بما رد على الآخر فلم يصح من أقوالهم شيء. Chacun d'entre ces gens qui prétendent se baser sur la raison, sa parole est réfutée par sa parole est réfutée et on prouve la fausseté de ce qu'il dit par ce qu'il a réfuté, parce qu'il a utilisé pour réfuter l'autre. Et donc aucune de leurs paroles n'est correcte parce qu'elles sont des paroles qui sont en contradiction et qui sont divergentes par rapport au Coran et par rapport à la Sunna. وهو من وجوه. Et donc le cheikh il dit il y a plusieurs points de vue par lesquels on peut prouver et démontrer que leur parole elle est fausse. Il y a plusieurs points de vue par lesquels on peut montrer que leur parole elle est fausse ou que leur compréhension est fausse. Et le cheikh il va en mentionner quatre. Il mentionne quatre. La première, le premier point de vue qui montre la fausseté de leur principe. بيان أحدها بيان أن العقل لا يحيل ذلك. Donc premièrement, c'est d'expliquer, de clarifier que la raison n'empêche pas et ne rend pas impossible l'affirmation des noms et des attributs d'Allah tels quels sans avoir recours au ta'wil. Le cheikh il explique. شيخ الفوزان الذي قولهم العقل يحيل كذا وكذا هذه دعوة لا دليل عليها ثم إن العقل لا يستدل به على ما لا يحيط به ولا يدركه فقولهم باطل من وجوه الوجه الأول ما ذكرناه. Donc le cheikh الفوزان il dit la raison, quand ils disent eux que la raison rend telle ou telle chose impossible. C'est-à-dire, ils vont dire, par exemple, la raison rend impossible d'affirmer que Allah est au-dessus de son trône. Ou c'est impossible, logiquement, de dire que Allah a une main ou des yeux. Le cheikh, il dit, quand vous dites ça, ça c'est une prétention sans aucune preuve. C'est-à-dire, vous dites ça, mais vous n'avez aucune preuve pour prouver que c'est impossible. Puis, en plus, on ne peut pas se baser sur la raison pour dire, pour dire que quelque chose est impossible logiquement, alors que la raison elle-même n'est même pas capable de comprendre cette chose-là à la base déjà, en partant. Comment tu peux essayer de prétendre que la logique ne peut pas affirmer que Allah est au-dessus de son trône, alors que logiquement tu n'es même pas capable de comprendre qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que ça implique, Donc, tu nies quelque chose qui dépasse l'entendement, qui dépasse la raison. Déjà, Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne peux pas le comprendre. Donc, comment tu peux prétendre que c'est impossible logiquement ou rationnellement? Donc, leur parole, elle est fausse. Et ça, c'est la première preuve, le premier point de vue qui montre la fausseté de leur argument. الثاني أن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل. Donc, deuxièmement, comment on leur répond? Après avoir dit que c'est pas vrai que la raison, premièrement, on leur dit la raison, c'est pas vrai que c'est impossible rationnellement. C'est pas vrai qu'on peut pas affirmer ces attributs-là rationnellement. Et que la raison rend ça interdit ou impossible. C'est pas vrai. Vous avez pas de preuve pour dire que c'est impossible. Ça, c'est premier. Deuxièmement, les textes qui mentionnent les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala n'impliquent pas qu'on ait besoin d'avoir recours au ta'wil ou de déformer leur sens apparent. C'est-à-dire les textes qui mentionnent les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala n'impliquent pas du tout la nécessité d'avoir recours à la déformation du sens apparent des textes. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de ta'wil. Parce que déjà, il n'y a pas de ressemblance entre Allah et le Créateur. Donc, le Cheikh Al-Fawzan, il explique ça. Il dit, الوجه الثاني أن النصوص الواردة صريحة ليست محتملة حتى تؤول لأن الذي يقبل التأويل غير الصريح فقوله صلى الله عليه وسلم الرحمن على العرش استوى صريح في الاستواء على العرش لا يحتمل غير معنى الاستواء على العرش. وقوله وهو العلي العظيم صريح في العلو، وقوله وهو القاهر فوق عباده صريح في علو الله على خلقه، لا يحتمل التأويل. وهو بكل شيء عليم صريح في إثبات العلم لله، لا يحتمل التأويل. وهو على كل شيء قدير صريح في إثبات القدرة لله ولا يحتمل التأويل. Donc le Cheikh Al-Fawzan il répond au, et il explique le deuxième, le deux, la deuxième réponse, comment on peut répondre à ces gens-là par rapport à leurs prétentions. C'est que quand est-ce qu'on a besoin d'avoir recours au ta'wil? Quand est-ce qu'on a besoin d'avoir recours au ta'wil? Attends. Quand est-ce qu'on a besoin d'avoir recours au ta'wil? Dans quel cas? Le cheikh explique. On a besoin d'avoir recours au ta'wil dans le cas où la parole peut impliquer plusieurs sens différents. Dans le sens que son sens apparent est équivoque, est ambigu, peut avoir plusieurs significations. D'accord? À ce moment-là, on a besoin d'avoir recours au ta'wil pour faire sortir le mot ou le sens de son sens apparent vers un autre sens hein, qui peut être impliqué. Parce que la parole n'est pas claire. Mais quand la parole est claire et explicite, on n'a pas besoin de ta'wil. On n'a pas besoin d'avoir recours au ta'wil. D'accord? Parce que la parole en question ne peut avoir qu'un seul sens. Son sens est apparent, est clair et évident à première vue. Pas besoin de déformer le sens. C'est comme si je te dis, « Akhi, amène-moi un verre d'eau. » Ça, c'est clair, c'est explicite. Est-ce que tu as besoin de déformer le sens de qu'est-ce que je viens de dire pour l'interpréter par un autre sens, pour comprendre hein, qu'est-ce que j'ai voulu dire? Non. Il donne des exemples. On va donner des exemples. Oui, oui. D'accord? Donc, comment je pourrais dire? Si par exemple quelqu'un te dit quelque chose clair et explicite, dans ce cas-là, t'as pas besoin de chercher une interprétation ou de chercher un sens figuré à sa parole, parce que la parole est claire. Mais si il y a un sens, le sens de la parole n'est pas clair, là tu peux avoir besoin d'essayer de l'interpréter pour essayer de trouver un autre sens à cette parole. D'accord? C'est ça que le cheikh est en train de dire. Donc ici, il dit, dans le cas des textes qui parlent des noms et des attributs d'Allah, il n'y a rien qui implique qu'il y aurait nécessité pour utiliser hein, le ta'wil et qu'on ait besoin de lui donner un autre sens que son sens apparent. Pourquoi? Parce qu'on n'accepte pas le ta'wil, on n'accepte pas le ta'wil pour qu'est-ce qui est explicite et clair. On accepte uniquement le ta'wil quand c'est pour quelque chose qui est équivoque et ambigu et qui n'est pas clair. Donc il dit par exemple, lorsque Allah dit Ar-Rahmanu 'ala al-'arsh istawa, le tout miséricordieux s'est élevé sur son trône, sur le trône. Ça, le cheikh dit ça c'est explicite et c'est clair. T'as pas besoin de changer le sens, il est déjà clair le sens, explicite. Et ça n'implique rien d'autre que le sens du fait que Allah soit élevé au-dessus de son trône. Hein? Donc, t'as pas besoin de ramener d'autres interprétations. Alors pourquoi eux ils viennent et ils disent non mais istiwa ici ça veut pas dire istiwa, ça veut dire plutôt istawla, parce que istawla ça veut dire de conquérir le trône. Donc on va changer le sens. On va, au lieu de dire que Allah s'est élevé au-dessus du trône, on va dire qu'il a conquis le trône. Ça c'est le ta'wil. C'est encore plus ambigu de dire qu'il a conquis le trône parce que ça implique qu'il y ait des adversaires, qu'il y a des opposants. Ça veut dire que ça implique qu'il y avait quelqu'un qui était là, sur le trône, et que Allah subhanahu wa ta'ala l'a enlevé du trône et il a pris sa place. Et est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a des adversaires? Non. Alors, c'est de s'enfuir de quelque chose d'illusoire, une crainte illusoire, c'est-à-dire une crainte qu'il y ait une ressemblance entre Allah et sa création. Et ça, c'est illusoire parce que c'est pas réel. Il n'y a pas de raison d'avoir cette crainte-là ici. Et de le remplacer par quelque chose qui est encore plus grave comme erreur, c'est-à-dire de déformer le sens du terme istawa qui veut dire s'élever, par le sens de istawla qui veut dire conquérir. Et ça, c'est, comme on a dit, une signification qui est encore plus fausse. Hein? La même chose pour le verset « Wa huwa al-aliyul azim ». C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il est al-ali, le très haut, al-azim, le très grand. Est-ce que ça on a besoin de l'interpréter ou de changer son sens apparent? Non. Al-ulu, c'est clair, c'est-à-dire que Allah est élevé au-dessus de sa création. Wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi. C'est lui le contraignant au-dessus de ses serviteurs. Fawqa ibadi, au-dessus de son serviteur. Le cheikh, il dit ça, c'est clair et explicite sur le sens que Allah subhanahu wa ta'ala est élevé au-dessus de sa création. Et ça, ça n'implique pas ou ça n'accepte pas de yani de ta'wil, qu'on change son sens apparent. La même chose pour lorsqu'on dit qu'il a la science sur toute chose. C'est clair et explicite sur le fait qu'on doit affirmer à Allah la science. On n'a pas besoin de changer. On n'a pas besoin de changer sa signification. Et la même chose lorsqu'on dit wa huwa ala kulli shay'in qadir. Et il a le pouvoir sur toute chose. Ça, c'est clair et explicite sur le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, hein, il a une force et une puissance. Et ça nécessite aucune forme de ta'wil ou de déformation du sens. D'accord? Donc ça, c'est la deuxième façon comment on répond. Hein, et comment on répond à ces gens-là. Premièrement, premièrement, c'est la raison. Hein. Vous ne pouvez pas prouver que c'est impossible rationnellement d'affirmer ces attributs-là ou que la raison le rend impossible ou interdit. Ça, c'est un. Deux, le sens de des versets qui parlent des noms et des attributs d'Allah, c'est quelque chose qui est explicite et clair. Donc, il n'y a aucun besoin d'utiliser le ta'wil ou d'avoir recours au ta'wil dans ces versets-là. Le point numéro 3, le cheikh il dit, « Anna ammata hadhihi al-umur qad ulima anna ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam ja'a biha bil-i'tirar kama ulima annahu ja'a بالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان فالتأويل الذي يحيلها عن هذا بمنزلة تأويلات القرامطة والباطنية في الحج والصوم والصلاة وسائر ما جاءت به النبوات. Donc le cheikh il dit comme argument ou comme yes. Wa alaykum salam Abdul Hakim, barakallahu fiik. Non. Donc il dit, comme point numéro 3, la plupart de ces questions-là, qui ont rapport avec les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est des choses, on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les connaissait. Hein? Il les connaissait par nécessité. Et de la même manière qu'on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu avec les 5 prières par jour et le jeûne du Ramadan. Donc, d'utiliser le ta'wil, hein, ou ce ta'wil qu'ils utilisent dans ce qu'ils prétendent que la raison, rend impossible, c'est-à-dire l'affirmation des attributs est impossible à cause que, selon eux, c'est impossible rationnellement ou logiquement de les affirmer, eh bien, quand ils font le ta'wil à cause de ça, c'est comparable au ta'wil qui est fait par les qaramita et les batiniya au sujet du hajj, du jeûne, de la salat et des autres choses qui ont été ramenées par les prophètes. Là, peut-être que je vais expliquer avec l'explication de Cheikh Al-Fawzan. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce qu'il a dit, Cheikh Al-Fawzan, ici? Qu'est-ce qu'Ibn Taymiyyah est en train d'expliquer? Il est en train de dire que les qaramita et les Batiniyoun. Les Qaramita et les Batiniyoun, c'est des sectes qui se présentent comme étant des Shia. Ok? Ils se font passer pour des Shia. Mais en réalité, c'est des Kuffars. Ok? C'est des gens qui se basent sur la philosophie grecque et qui prétendent que tout ce qui est dans la révélation, tout ce qui est dans le Coran, a un sens qui est caché. Les Druzes, les Nusayriyas, les Ismaïliyas sont des sectes qui font partie des Batiniyoun. D'accord? Eux, ils disent, le Coran a un sens apparent que les gens du commun comprennent. Et il a un sens caché, que seulement nous pouvons comprendre et connaître, ou ceux d'entre nous qui ont été initiés au secret. D'accord? Aux connaissances ou au sens secret. Donc, pour les Batiniyas, tout a un autre sens, un double sens, mais ils se disent seulement entre eux. Et, par exemple, la salat pour eux, ça ne veut pas dire la salat comme qu'est-ce qu'on fait nous quand on prie 5 fois par jour. Ça veut dire autre chose. Mais je vais vous donner les exemples. Cheikh Al-Fawzan, il a expliqué. Le jeûne du Ramadan, ça a un sens pour nous. C'est clair, c'est de s'abstenir de manger, de boire et d'avoir des rapports sexuels durant le mois de Ramadan, du lever du soleil au coucher du soleil. C'est ça. Mais pour eux, non. C'est un autre sens. Secret. Ils se disent juste entre eux, ceux qui sont initiés. Et la même chose pour les autres formes d'adoration, comme le Hajj et la Zakat, et ainsi de suite. Donc, eux, ils ont donné à ces mots-là des interprétations. Ils ont fait une forme de ta'wil pour ces mots-là, et ils leur ont donné un autre sens, mais pour eux, c'est secret, ce sens-là. Donc, Cheikh Ibn Taymiyyah, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire que les ta'wils que font les Asha'ira et les Maturidiyah et les Jahmiyyah et les Mu'tazila, ça rentre dans la même catégorie que les ta'wils des Qaramita et des Batiniyoun, qui déforment le sens de la religion en général. Parce que les Jahmiyyah, les Mu'tazila, les Asha'ira et les Maturidiyah, ils déforment le sens de la religion dans les noms et les attributs seulement. Tandis que les Batiniyoun et les Qaramita, eux, ils déforment pas seulement les noms et les attributs, ils déforment le sens de la religion au complet, même dans les adorations. Donc, les Cheikh Ibn Taymiyyah est en train de leur dire, ce que vous faites, vous, c'est la même chose que ce que les Qaramita sont en train de faire. Non, c'est pas pareil. On parle de l'exemple, de la base de ce qu'ils font. Tu comprends? Que c'est comparable, en fait. Et là, on va lire qu'est-ce que dit Cheikh Al-Fawzan à ce sujet-là. Cheikh Al-Fawzan, il explique et il dit: الثالث من الأمور التي تبطل قولهم أننا نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بهذه الأمور وهي إثبات الأسماء والصفات وما دام جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم فالواجب التصديق بها واتباعه فالذي لا يصدقها يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم ومن كذب الرسول فقد كفر الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بهذه الأمور وهي الأسماء والصفات فيجب الإيمان بها كما أنه جاء بالصلاة هم يصلون ويصدقون ويصدقونه لماذا لا يصدقون بأسماء الله وصفاته مع أن كلا الأمرين جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا كنتم تنفون الأسماء والصفات إذن انفوا الصلاة والزكاة والصيام والحج وانفوا جميع الشرائع أما أنكم تثبتون شيئا وتنفون شيئا أهم منه فهذا من الباطل. فالواجب قبول كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا يكون الإنسان ممن يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض. بل إن الإيمان بالأسماء والصفات أولى من الإيمان بالأحكام العملية، لأن الأسماء والصفات من العقيدة. Donc le cheikh il commence à expliquer le point numéro 3 et il simplifie la compréhension de ce principe, de ce point-là que je vous ai expliqué. Il dit, le cheikh, parmi les éléments qui montrent la fausseté de leurs paroles, le point numéro 3, c'est que nous on sait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu avec les noms et les attributs d'Allah. Il a ramené ça. Hein? Et du moment que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ramené la foi en ces choses-là, en les noms et en les attributs d'Allah, donc c'est obligatoire pour nous d'y croire et de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cela, dans cet exemple-là. Donc celui qui ne croit pas, hein, en les noms et en les attributs d'Allah, c'est comme s'il traite le prophète sallallahu alayhi wa sallam de mensonge, de menteur. Hein? C'est comme s'il dément le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Il nie ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a affirmé. Et celui qui traite le prophète ou le messager sallallahu alayhi wa sallam de menteur, il a rejeté la foi, il a mécru. Et le cheikh il dit que le messager sallallahu alayhi wa sallam est venu avec les noms et les attributs d'Allah. Il est donc obligatoire d'avoir la foi en les noms et en les attributs d'Allah, de la même manière qu'il est venu avec la salat. Hein? Et eux, ils font la salat. Ils croient en la salat. Mais pourquoi ils ne croient pas dans ce cas-là aux noms et aux attributs d'Allah? S'ils croient en la salat, pourquoi ils ne croient pas en les noms et les attributs? Tu comprends? Non? Le cheikh il dit, celui qui croit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous a amené les noms et les attributs d'Allah dans le Coran et dans sa sunna. D'accord? Ça c'est obligatoire d'y croire. Si tu ne crois pas en ça, si tu dis je ne crois pas en ça, c'est comme si tu traites le prophète sallallahu alayhi wa sallam de menteur. Et celui qui traite le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de menteur, il est kafir. D'accord? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a amené la salat aussi. Mais les Jahmiya, les Mu'tazila, les Asha'ira, ils prient, ils font la salat. Donc le cheikh, il dit, si vous croyez en la salat et que vous faites la salat, mais pourquoi vous ne faites pas la même chose avec les noms et les attributs? Pourquoi vous ne reconnaissez pas les noms et les attributs? Pourquoi vous ne les acceptez pas tels quels, comme vous acceptez la salat? Tu comprends? Parce que, yani, tu crois en une partie de la révélation, tu dois croire en l'autre partie aussi. Tu comprends? C'est ça. Donc le cheikh il dit, les deux sont venus par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a amené les deux. Il nous a amené la salat, il nous a amené les noms et les attributs. Pourquoi tu acceptes la salat mais tu n'acceptes pas les noms et les attributs? Hein? Donc le cheikh il dit, donc si vous niez les noms et les attributs, donc dans ce cas-là, niez aussi la salat, la zakat, le jeûne et le hajj. Hein? Et niez tous les autres aspects de la charia aussi. Parce que, yani, là, dans ce cas-là, vous êtes logique. Vous suivez votre logique jusqu'au bout. Une fausse logique, bien sûr. Bien vous. Hein? C'est-à-dire, non. Mais le cheikh est en train d'essayer d'établir contre eux une preuve. D'accord? Et il raisonne avec eux pour leur montrer la fausseté de ce qu'ils font. Hein? Donc c'est comme pour dire, ok, vous êtes d'accord avec nous qu'il faut faire la salat, et vous croyez en la salat. Dans ce cas-là, pourquoi vous ne croyez pas aux noms et aux attributs? Hein? Si vous rejetez les noms et les attributs, dans ce cas-là, rejetez le reste aussi. Hein? C'est dans ce sens-là. Et donc le cheikh il dit, parce que si vous affirmez une partie, vous affirmez et puis vous niez l'autre, alors que l'autre est plus importante, vous par exemple, vous niez, hein, comme si vous affirmez la salat et vous niez les noms et les attributs. Qu'est-ce qui est plus important dans la religion? Les règles pratiques ou la croyance, qu'est-ce qui est à la base? La base de la religion, ça commence par quoi? La croyance. Hein? Donc la croyance en Allah et en ses noms et en ses attributs, c'est plus important que de croire en la salat, par exemple. Mais eux, ils affirment la salat et ils nient ce qui est plus important, les noms et les attributs d'Allah. Donc, ils affirment les principes, mais ils nient la base. Ça, c'est pas correct. Hein? Donc, le cheikh, il dit, ça, c'est complètement faux. Donc, il dit, qu'est-ce qui est obligatoire pour vous? C'est d'accepter tout ce que le messager a ramené. Sallallahu alayhi wa sallam. Sinon, hein, vous allez être considéré comme celui qui croit juste en une partie du livre et qui renie le reste. Hein? Même que, il dit le cheikh, même que la foi en les noms et en les attributs est plus important, hein, est plus grand que la foi en les règles pratiques de la religion. Parce que les noms et les attributs font partie de la aqida. Et la aqida, c'est la base de l'islam. Ok? Pendant 10 ans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à Mecca, il a enseigné que le tawhid, la ilaha illallah. Hein? Après 10 ans, l'ordre de la salat est descendu. Donc, la base dans l'islam, c'est la aqida, c'est la croyance, c'est le tawhid. Hein? Et les noms et les attributs font partie du tawhid. Hein? Donc, si tu affirmes les règles et que tu nies la base, ça ne marche pas. Donc là, le cheikh, il explique Al-Qaramita et les Batiniya, qu'est-ce qu'ils sont? Il dit Al-Qaramita atba'u Hamdan ibn Qirmit al-Shi'i al-Batini li'anna al-Shi'a aqsam minhum al-Batiniya wa hum akhbathuhum wal-Batiniya hum al-Ladhina yaquluna inna al-Shari'a laha zahirun wa batin al-Zahiru lil-Awam wa amma al-Batin fala yafhamuhu illa al-Khawas فالصلاة هي الدعاء فقط والصيام هو كتم الأسرار والحج قصد المشايخ وتأويل المعطلة للصفات وصرفها عن ظاهرها هو من جنس تأويل هؤلاء الملاحدة بل هو أشد لأنه يتعلق بإفساد العقيدة. Donc le cheikh il explique. Il dit que les Qaramita, c'est ceux qui ont suivi un homme qui s'appelait Hamdan ibn Qirmit, qui était un Shi'i Batini, ok? Qui était un Shi'i qui fait partie des Batiniya, des sectes ésotériques parmi les Shi'ites. Parce que les Shi'a sont en différentes catégories, sont différentes sectes, les Shi'a. Souvent, quand on parle des Shi'a, hein, les gens pensent qu'il y a les Sunnites et les Shi'ites. Dans les musulmans. Et si tu n'es pas chiite, donc automatiquement tu es sunnite. Comme le frère il a demandé tout à l'heure. Comment ça se fait qu'on les appelle les khawarij, on les appelle sunnites? Les khawarij ne sont pas des sunnites. Parce que pour être sunnite, il faut s'écarter de la bid'a et établir la sunna. Donc, il n'y a pas sunna et shia seulement. Mais tous. Il y a, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, cette umma va se diviser en 73 sectes. Hein? Et une seule à l'aide, il a dit, il y en a une au paradis et 72 autres sont en enfer. En enfer dans le sens qu'elles sont sous la menace, pas qu'elles sont nécessairement mécréantes. Parce qu'il y en a parmi les 72 qui sont mécréantes, parce qu'elles ont contredit dans les fondements de l'islam, soit ils ont fait le shirk ou ils ont fait le kufr. Mais il y en a d'autres parmi ces 72 sectes qui ont seulement des bid'ah ou des déviations, mais qui ne sont pas nécessairement en dehors de l'islam. Donc, s'ils rentrent en enfer, ils vont rester en enfer un certain temps, mais ils vont en sortir comme les gens, comme tous les musulmans qui ont commis des grands péchés, parce qu'ils font partie des musulmans quand même. Ils ont le tawhid et la base du tawhid. Ils ne sont pas sortis de l'islam en entier. D'accord? Non. Donc, ceux qui ne font pas partie de ce groupe sauvé-là, ils sont parmi les gens de Bid'ah, ou parmi les gens de l'égarement. Donc, ils ne sont pas des sunnites. Parce que les gens aujourd'hui, le terme sunnite, ils l'utilisent à tort et à travers. Ils ne comprennent pas ce que ça signifie. Qu'est-ce que ça implique également. Donc, parmi les chiens, il y a différentes sectes. Et parmi ceux qui se disent sunnites, il y en a beaucoup qui sont aussi des différentes sectes, mais qui se prétendent sunnites. Mais ce n'est pas possible qu'ils soient tous sur la sunna. Parce que s'ils étaient tous sur la sunna, ils ne seraient pas divisés en sectes. Puisque les gens de la sunna sont toujours unis, ils ne se divisent pas. Donc s'ils se divisent, ils ne sont pas sur la sunna. Ou il y en a un des deux qui n'est pas sur la sunna. D'accord? Comme par exemple, les soufis. Eh bien, parmi les soufis, il y a des centaines de turuq. Et chaque tariqa, elle est différente dans sa croyance et dans ses pratiques par rapport à l'autre tariqa. Et elles sont divisées entre elles. Et parmi les chiites, il y a des divisions aussi. Et parmi les rafidas, divisions. Parmi les khawarij, il y a des divisions entre eux. Parmi les mu'tazila et les qadariya et les jabriya et les murji'a et les asha'ira et les maturidiya et ainsi de suite. Toutes ces différentes sectes sont divisées entre eux aussi. Donc, une bid'a en amène d'autres. Mais toutes ces sectes-là sont en opposition avec les sunnites. Ce qu'on appelle les gens de la sunna, Ahlus Sunna wal Jama'a. Pourquoi on appelle Ahlus Sunna, on les appelle Ahlus Sunna wal Jama'a? Parce qu'ils sont une Jama'a, ils sont unis, ils ne sont pas divisés. Et les gens de la Bid'a, on les appelle Ahlul Ahwa'i wal Furqa, les gens de la passion et de la division. Pourquoi? Parce qu'ils suivent leur passion. Et les passions sont innombrables, il y en a trop. Donc, chacun, il a sa passion, il se divise. Donc, parmi les chiites, il y en a une secte qui est fondée par un individu qui était parmi les chiites, qui s'appelait Hamdan ibn Qirmit. Et lui, c'était un batini. C'est-à-dire, parmi ceux qui sont en train de diviser la religion en deux. Qui disent qu'il y a un sens apparent et un sens caché dans la religion. Un sens apparent et un sens secret. Et le cheikh, il dit que les pires parmi les chiites sont les bâtiniyas. C'est les plus égarés parmi les chiites. Okay? Souvent même, les rafidas font le takfir même des bâtiniyas. C'est-à-dire, eux-mêmes sont des koufars, les rafidas, ils font le takfir des autres chiites. Yani. Oui. Parce que la vérité, c'est qu'ils ne s'appellent pas des alawiyas, des alawites. Le nom Alawiya, c'est les Français qui leur ont donné ce nom-là. Ça n'a rien à voir avec leur nom. Leur vrai nom, c'est les Nusayriya. Oui. Et le nom Alawiya, c'est pour prétendre qu'ils suivent Ali. Mais ils suivent. Ali n'a rien à voir avec eux. Parce qu'Ali fait partie des musulmans qui suivent la Sunna. Il fait partie des Sahaba. Il fait partie d'Ahl Sunna, il n'est pas chiite, Ali, radiallahu anhu. Donc, ils se prétendent alawiyya, alawiyyin, ils n'ont rien à voir avec Ali. Comme les Fatimiyyas, ils prétendaient suivre Fatima, ou descendre de Fatima, la fille du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'ils n'ont rien à voir avec Fatima, radiallahu anha. À l'origine, ce sont des juifs, ce ne sont pas des musulmans. Qu'est-ce qu'il dit donc? Le cheikh dit donc que ça c'est des batiniyas. Les ismaélites, on les appelle les ismaéliyas, sont des batiniyas. Et les karamita sont des batiniyas. Et les durouzes sont des batiniyas. Il y en a plein d'autres comme ça. Le cheikh il dit, attends, le cheikh il dit les batiniyas, il dit ce sont ceux qui disent que la charia est divisée en un sens apparent et un sens caché. Le sens apparent est pour les gens du commun, les musulmans ordinaires. Puis, le sens caché, c'est pour les élites qui sont eux. Et pour eux, la salat, c'est le dua seulement. Donc, le sens de la... Quand ils disent salat, pour eux, ça veut dire dua. Hein? Quand ils disent le siyam, le jeûne, ça veut dire de cacher les secrets de la secte. C'est ça que c'est... Quand tu jeûnes, ça veut dire que tu caches le secret de la secte et tu jeûnes dans ce cas-là. Tu n'as pas besoin de t'abstenir de manger. Tu peux manger de la nourriture, c'est pas grave. Du moment que tu caches le secret de la secte, tu es en jeûne. Allah musta'an. Le hajj pour eux, c'est quoi? C'est d'aller visiter leurs shuyur. Les shuyur de la secte des Ismaïliyyah ou des Batiniyyah. Ça y est, tu vas visiter les shuyur, t'es dans le hajj pour eux. Et il y a donc plein de trucs comme ça. Ils déforment la charia en donnant à chaque terme une signification que seuls eux comprennent ou seuls eux ont. Et ça, tu le trouves même chez les soufis aussi. Les soufis, parmi les soufis, ils ont incorporé dans leur pratique, dans leur croyance, ces idées-là. Ils disent, vous les musulmans ordinaires, qui vous n'êtes pas des soufis, vous devez suivre la charia. Mais nous, on est des élites, on suit la haqiqa, c'est la réalité. Ça, on est au-dessus de vous. Et quand on est arrivé à cette haqiqa, on n'a plus besoin de suivre les ordres ou de s'abstenir des interdictions, parce que nous, on a été libérés de ça. On a le droit de faire des péchés, et on n'est pas obligé de faire les prières, de faire les obligations. Ça, c'est l'égarement, ça. Ismaïl. Oh non, ok, je comprends. C'est pas, on parle pas quand ceux qu'on appelle les Ismaélites, ça a pas rapport avec Ismaïl, le fils de Ibrahim alayhi salam. Ça a rapport avec un de leurs imams parmi les descendants de ceux qui prétendent être les descendants de Ali radiallahu anhu et qu'ils ont suivi. Ils prétendent que c'était leur imam et donc étant donné qu'ils ont commencé avec cet imam là, eh bien c'était leur huitième imam, donc ils se sont appelés les Ismaélites pour se distinguer des autres Shia, Rafida, Imamiya, Ja'fariya. Zaydiya aussi, c'est une autre secte parmi les sectes Shia qui, eux, ont suivi Zayn al-Abidin. Je pense que c'est Zayn al-Abidin. Non, eux sont pas partis des Batiniya, mais ils sont aussi parmi les égarés, parmi les gens de Bida. Ils sont au Yémen, les Zaydiyas. Mais les autres, là, les Batiniyas, comme les Ismaélites, tu les trouves en Palestine, tu les trouves en Syrie, tu les trouves au Yémen, tu les trouves même dans le sud de l'Arabie Saoudite. Il y a la secte des Ismaélites qu'on appelle les Bouhara, qui sont dans le sud de l'Arabie. Ils existent encore jusqu'à aujourd'hui. Is this shit. Et il y a ceux qui existent en Inde et il y en avait en Afghanistan aussi. Beaucoup d'entre les Ismaélites d'Afghan, ils ont été tous rapatriés au Canada. Le gouvernement canadien les a rapatriés. Et puis tu les vois, les Ismaélites, eux c'est les Aga Khan, les Aga Khanis, ceux qui suivent Aga Khan. Et à chaque fois qu'il y en a un Aga Khan qui meurt, mais il y en a un autre qui prend la succession. Oui, chaque année on lui donne son poids en or. C'est un titre. C'est comme pour dire leur roi, leur prince, tu vois, leur amir, leur imam. C'est pas spécifique aux Afghans, c'est spécifique à la secte des Ismaélites. Mais les Ismaélites qui suivent Aga Khan. Parce qu'il y a d'autres Ismaélites qui sont divisés, qui, eux, sont des Bouhara, comme j'avais expliqué. Et si tu veux, tu vas sur Google, tu écris Aga Khan, et puis ils vont te sortir les photos de celui qui est leur imam pour notre époque maintenant. Et c'est un. Non, bien sûr, il n'a pas de barbe. Il est habillé à l'occidental. Il est reconnu par la reine d'Angleterre. comme étant un souverain. Ils lui ont donné le titre de souverain. Même quand il vient au Canada, il est accueilli au Parlement canadien. Hein? On lui donne le... Non, il n'a pas de chapeau. Non, non. Hein? Oui. Non, parce que eux, ils supportent les Ahmadiyyas, les Koufars, ils supportent les Ahmadiyyas parce que ce sont des Koufars. Les Ahmadiyyas, ce sont des gens qui croient qu'il y a un autre prophète qui est venu pour eux en Inde. C'est un prophète qu'ils appellent Ghulam Ahmad. Et eux, ils rejettent la Sunna. Ils ne croient pas en la Sunna, ils croient juste. Ils disent, nous, on croit que en le Coran. Il y en a ici, au Canada, ils ont leur propre village. Ouais. Et ils ont leur mosquée, puis. Mais je pense que c'est la plus grande mosquée au Canada. Mais, et ils ont leur propre quartier. Non, c'est pas à Ottawa. Non, c'est dans un autre état. Ouais. Ah oui. Ah ouais, ok, ouais. Oui, il y avait une grande salle de réception, oui. Ah, ok. Donc ça, faites attention à ces gens-là, c'est des kuffars, ça. Ceux à Saint-Mus... Exactement. Ouais, non. Non, ils sont très actifs, malheureusement, puis ils essaient de propager leur truc. Puis eux, parmi les choses qu'ils prônent ou qu'ils enseignent, c'est la négation du... Par exemple, ils disent, nous, on est contre le djihad, il n'y a pas de djihad dans l'islam. Et donc, ils se présentent aux kuffars de cette façon-là pour dire, regardez, nous, on est des bons musulmans, on est contre le djihad. Le djihad, ça n'existe pas. Alors que le djihad est dans le Coran et dans la sunna, hein, et que le professeur sallam a enseigné le djihad. Mais ils utilisent l'amalgame qui est fait par les Khawarij, qui eux utilisent le terrorisme au nom du djihad, hein, pour justement essayer de, disons, faire peur aux kuffars et aux musulmans par rapport au terme djihad, hein, pour leur faire croire que eux ils sont contre le djihad pour dire acceptez-nous plus. Et même à l'époque en Inde, quand les musulmans appelaient à combattre la colonisation anglaise, à l'époque, eux, ils venaient et ils disaient non, il ne faut pas combattre les Anglais, il faut les accepter, il ne faut pas faire le djihad. Mais oui, justement, c'est les Anglais qui ont financé cette secte. Et les koufars, ils financent des sectes, justement, pour opposer l'islam, puis empêcher la propagation de l'islam, pour contrer l'islam et créer des problèmes à l'intérieur des musulmans. Donc, ça fait partie des exemples aussi. Non. Ça c'est des sectes parmi les soufis, comme je disais tout à l'heure, que les soufis aussi ont un langage secret qu'ils ont développé, parfois même par des symboles, ils écrivent des symboles que seuls eux qu'on connaisse et comprennent, et ils ont des, par exemple, des termes qu'ils utilisent. Toi, tu vas lire leurs livres, tu vas comprendre des choses selon le Coran et la Sunna. Sauf que eux, ils ont leur propre définition pour ces termes islamiques-là, qui veulent pas du tout dire la même chose que pour le reste des musulmans. Donc, ils parlent en code. Le soufia parle en code. Et la même chose pour les bâtonniers, il y a la même chose, ils parlent en code. Et c'est un langage codé. C'est pour ça qu'il y a des liens entre ces groupes-là, puis la franc-maçonnerie aujourd'hui. Hein? Parce que tous ces gens-là sont des gens qui utilisent des langages codés pour pas que le reste des musulmans comprennent ce qu'ils disent. Donc c'est des choses qui sont bien entendu en opposition avec l'enseignement du Coran et de la Sunna, puisque l'islam ne permet pas ce genre de séparation-là entre le sens apparent et le sens caché, ou bien entre les musulmans, et de dire que ceux-là sont les élites, ceux-là sont les musulmans ordinaires, ou des choses de ce genre. Donc, il ne faut pas faire d'amalgame dans ces choses-là. Donc, ça, c'est le point numéro 3 que le cheikh a utilisé comme pour répondre à leur séparation et à leur égarement, en voulant dire que si vous niez les noms et les attributs, eh bien, dans ce cas-là, vous agissez de la même manière que les Qaramita, qui, eux, non seulement ils vont par exemple parfois nier même les noms et les attributs, mais aussi vont même nier les règles de la religion dans la pratique. Le quatrième point, on va lire le quatrième point, puis on va s'arrêter là après. والرابع والرابع أن يبين أن العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص وإن كان في النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن درك تفصيله وإنما يعني عقله مجملا إلى غير ذلك من الوجوه. نعم. Ça, c'est un point. Le quatrième point, c'est de dire que la raison qui est propre et claire et explicite, qui n'a pas été corrompue par les déviations des gens de Kalam et des philosophes, elle est en accord avec ce qui est dans les textes du Coran et de la Sunna. La raison propre, elle ne va pas contredire les textes. Même si parfois dans les textes, il y a des détails que la raison n'est pas capable de comprendre de façon détaillée, mais la raison l'accepte de façon globale. Hein? Et il y a beaucoup d'autres arguments. Le cheikh il mentionne 4 points. Il dit il y en a beaucoup d'autres aussi qu'on pourrait mentionner pour montrer comment répondre à ces gens-là. Et l'exemple de ce quatrième point, ok, parfois on pourrait comprendre comme par exemple que dans le Coran et dans la Sunna, il n'y a rien qui contredit la raison. Mais il y a des détails de qu'est-ce qui peut être mentionné dans la révélation que la raison ne peut pas comprendre complètement. Parce que notre cerveau est limité. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit que dans le paradis, il y a des ruisseaux de miel, des ruisseaux de vin et des ruisseaux de lait. Hein? Et que, ils coulent comme ça dans le paradis. Est-ce que toi, tu peux imaginer une rivière de miel, ou une rivière de vin, de lait, ici? Tu prends ça, puis... Même ici, dans notre vie, là, la vie qu'on est en train de vivre, là, tu veux boire un verre d'eau, tu vas dans la rivière des prairies, là, ou la rivière, le fleuve Saint-Laurent, tu prends ton vin, tu mets dans l'eau, tu peux pas le boire. Pourquoi? Parce que l'eau, elle n'est pas propre. Donc, imagine si c'est ça pour de l'eau, imagine s'il y avait du miel là-dedans. Hein? Tu ne pourrais même pas imaginer que tu vas avoir du miel et que tu vas le boire dans une rivière directement. À chaque fois qu'il y aurait du sable ou des roches ou peut-être des moustiques qui tombent dans le miel, ça se mélange avec, ça commence à être sale, hein, comme l'eau. Donc, si tu vas utiliser ta logique comme les gens de Bid'a, tu vas commencer à dire, mais non, ça n'est pas possible, on ne peut pas affirmer ça. Et donc, tu vas nier ce que Allah a dit, parce que tu fais des analogies entre la vie d'ici-bas et qu'est-ce qu'il y a dans le paradis, de qu'est-ce qu'il y a rapport avec l'invisible. Et tu ne peux pas faire ça. Hein? Donc, ce n'est pas parce que tu ne peux pas comprendre quelque chose de ce qui a rapport avec l'invisible que tu dois le nier, parce qu'il n'y a déjà pas de comparaison possible, puisque le monde que Allah subhanahu wa ta'ala a préparé pour les croyants dans l'au-delà, eh bien, il y a des règles, il y a des choses qui sont différentes que les règles qui ont rapport avec la vie d'ici-bas. C'est pas comparable, c'est pas pareil, tu comprends? Donc, ça c'est juste un exemple que je te dis. Si c'est le cas pour ce genre de choses, comme le paradis, eh bien, imagine, pour les noms et les attributs d'Allah, il y a encore moins de comparaison à faire entre Allah et les créatures. Donc, pourquoi aller à nier les noms et les attributs d'Allah sous prétexte qu'on prétend qu'il y a une ressemblance qu'on veut éliminer, qu'on veut nier la ressemblance donc on va nier la révélation à cause de ça. Ça, c'est complètement inacceptable. Le Cheikh Al-Fawzan, il dit: الوجه الرابع مما يدل على بطلان قول المعطلة للصفات أن يبين أن العقل الصريح يعني السالم من النقص والتلوث وهو العقل السليم لا يخالف النقل الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم والمعطلة زعموا أن نصوص الصفات تخالف العقل فلذلك أولوها. Donc le cheikh il dit comme point numéro 4 pour répondre à la fausseté de l'argument des Mu'attilah qui nient les attributs d'Allah, c'est d'expliquer que la raison propre et saine, qui n'a pas été polluée et corrompue par la philosophie des gens d'égarement, hein, la raison et la logique qui est saine, elle ne contredit jamais les textes authentiques qui sont rapportés de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les mu'attilah, ceux qui nient les attributs, eux ont prétendu que ces textes-là contredisent la logique, et c'est pour ça qu'ils les ont déformés. Le cheikh il dit: al-aql yuwafiq an-nusus fil jumla ay fi wujud ma yudrikuhu wa hunaka ashya' la yudrikuha al-aql mithlu ma fil janna min an-na'im la yudrikuha al-aql abadan mithlu ma fil nar مثل ما في النار هذه أمور غيبية لا يدركها العقل. Donc le cheikh il dit exactement comme j'ai expliqué, il y a des choses, hein, en général la logique elle accepte qu'est-ce qui est dans les textes et elle est en accord avec qu'est-ce qui est dans les textes de façon globale dans les limites de ce qu'elle peut comprendre, mais il y a des choses que la raison ne peut pas comprendre, ne peut pas cerner, par exemple les délices de ce qu'il y a dans le paradis, la raison ne peut pas le cerner complètement. Hein? La même chose de l'enfer. Tu ne peux pas comprendre l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit que tu vas brûler éternellement. Hein? Pour les koufars et les mouchriquins vont brûler éternellement dans l'enfer. Alors que dans cette vie, si tu prends quelqu'un puis tu le mets dans le feu, il va brûler, hein? Comme par exemple un four crématoire. Hein, les koufars, quand il y a quelqu'un qui meurt, des fois ils le mettent dans un four crématoire. Qu'est-ce qui arrive? Il devient de la poussière. Hein? Puis après, c'est fini. Ils le mettent dans un pot, puis ils le laissent comme ça, dans un pot. Donc, si quelqu'un utilise cette logique-là, il va dire: mais dans ce cas-là, si on va aller dans l'enfer, on va brûler, on va devenir de la poussière, puis ça va être fini après. Hein? Ça, c'est la logique des gens de la dunya par rapport à ces choses-là. Parce qu'ils essaient de comparer la vie d'ici-bas avec l'au-delà. Et ils oublient que Allah subhanahu wa ta'ala, il va faire que la vie de l'au-delà sera régie par des lois différentes de celles de cette vie d'ici-bas. Et c'est pour ça, des fois, les témoins de Jéhovah, eux, les témoins de Jéhovah, ils ne croient pas en l'enfer. Hein? Les témoins de Jéhovah, ils disent: nous, on ne croit pas en l'enfer. On croit juste au paradis. Donc ils disent: si tu n'étais pas bon, tu vas juste disparaître, tu vas brûler une fois puis après c'est fini. Et même, pourtant dans la Bible c'est écrit, même dans les évangiles, Jésus parle d'un feu éternel, hein, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Donc comment il peut y avoir des pleurs et des grincements de dents dans un feu éternel que les gens vont juste brûler une fois puis c'est fini après? Pourquoi le feu est éternel? Il y aura juste le feu, il n'y aura pas de gens qui vont brûler dedans. Hein? Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. Chaque fois que leur peau est devenu calciné par le feu, nous leur changeons une nouvelle peau pour qu'ils puissent goûter le châtiment. Ça, c'est dans l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: la yamutuna fiha la yamutu fiha wa la yahya. Il ne meurt pas dedans et il ne vit pas. Chaque fois que ta peau est finie de brûler, Allah te donne une nouvelle peau fraîche que tu brûles dedans. Tu brûles à l'éternité. et on te verse de la, de l'eau bouillante sur la tête qui fait fondre ta peau, hein, et qui brûle même à l'intérieur de toi, hein. Donc tu vas dire quoi? Tu vas dire, ça y est, je vais brûler une fois puis c'est fini? Non, c'est pas fini. Tu regoutes à chaque fois au châtiment, parce que à chaque fois que tu brûles, ton corps se refait pour goûter encore le châtiment. Qu'Allah nous préserve de l'enfer. Donc c'est pas aussi comme eux ils pensent là. Hein? Donc dans le sens que pourquoi on dit ça? Pourquoi? Pour faire comprendre que c'est pas parce que tu comprends pas quelque chose dans cette vie, tu dois le nier. Par rapport à la révélation, tu vois des choses dans la révélation qui sont différentes de qu'est-ce qu'il y a dans cette vie, tu dis ça c'est pas possible et tu le nies à cause de ça. Ça c'est parce que tu n'as rien compris. La logique de cette vie d'ici-bas s'applique pas nécessairement à la logique de l'au-delà. Et qu'est-ce que toi tu peux comprendre dans cette vie par rapport aux noms et aux attributs, hein? Tu imagines des choses. Ça n'a rien à voir avec Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens que tu ne peux pas imaginer Allah et tu ne peux pas faire de comparaison entre le Créateur et la créature. Allah, c'est Allah, et le Créateur, c'est le Créateur. Donc, tu n'as pas à nier les attributs de ce que Allah a mentionné, hein? Tu dois les affirmer tels quels. Hein? Parce qu'Allah, il sait comment parler de sa personne. Juste pour voir où est-ce qu'on va s'arrêter. Donc je pense qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Tafsir et arrêt les alikam et al-wujur. Bon, qu'est-ce qu'il veut dire le cheikh ici? Donc on l'a lu, ça on a lu l'explication. Il dit على أن الأساطين من هؤلاء والفحول المعترفين بأن العقل لا سبيل له إلى اليقين في عامة المطالب الإلهية وإذا كان هكذا فالواجب تلقي علم ذلك من النبوات. Donc le cheikh il explique, il dit que les grands philosophes, hein, reconnaissent que la raison ne peut pas atteindre la certitude dans la plupart des éléments qui ont rapport avec les réclamations divines, c'est-à-dire les éléments de la foi et des éléments de la foi en l'invisible. Donc si c'est le cas, l'obligation, donc, dans ce cas-là, c'est de prendre la science au sujet de ces choses-là, de la prophétie et de ce qui a été révélé. Et non pas d'essayer de le prendre par la raison. Le problème et l'égarement des gens qui ont dévié dans ces questions-là, c'est qu'ils ont essayé de comprendre qui est Allah, quels sont ses noms, quels sont ses attributs, et comment sont les anges, comment est le paradis, comment est l'enfer, en se basant sur leur logique et leur propre raison. Ça, c'est pas possible. Tu peux pas. Hein? Le raid, c'est le raid. Le cheikh il dit Al-Asatin, yani Al-Akabir, min haoula, Al-Falasifa, wa ulama, Al-Kalam, yani yusallimuna, anna, hunaka, ashiya, la yudrikuha, al-aql, wa la yahitu biha, wa hada hujjatun alayhim. إذا كان العقل يعجز عن مدارك النصوص على سبيل التفصيل فإنه لا يرجع إليه وإنما يرجع في هذا إلى ما جاءت به النبوات ويسلم لها ولا ندخل في متاهات لا نحسن الخروج منها وهذا هو طريق السلامة. Donc le cheikh il dit qu'il y a des grands philosophes, hein, des gens de kalam qui sont d'accord et qui reconnaissent qu'il y a des choses, effectivement, que la raison ne peut pas comprendre et que la raison ne peut pas cerner. Et ça, c'est une preuve contre eux. Aujourd'hui, même les grands philosophes ou les grands scientifiques. Il y a des choses dans le monde, dans l'univers, quand ils observent ça, ils essaient de les comprendre, mais ils ne sont pas capables. Ils ne savent pas. Ça dépasse leurs limites. De leur raison, hein. Comme par exemple je parlais avec Fofana une fois, parce que Fofana c'est un docteur en physique, okay? Bien, la physique c'est assez vaste aussi, hein, toutes sortes de domaines. Donc lui peut-être pas l'astrophysique, connaît peut-être pas, hein, connaît pas l'astrophysique, hein. Bon, tu vois, il étudie pas ça en profondeur. Donc Maintenant, en ce moment, ils sont en train de se débattre, à essayer de comprendre pourquoi le ciel est noir la nuit. Parce que selon leur théorie, le ciel devrait être illuminé au complet. Donc, ils disent qu'il y a une grosse partie de la matière qui est invisible. On ne sait pas c'est fait avec quoi. Et ils essaient de comprendre, ça, ils ne comprennent pas. Hein? Donc, ils essaient de trouver c'est quoi la plus grande partie de ce qui compose l'univers. Donc, plus que 80% de l'univers, ils ne savent pas c'est fait avec que c'est quoi qu'ils composent. Ça dépasse leur logique. Ils ne peuvent pas le comprendre. Ils essaient de chercher des réponses. Mais ils ne trouvent pas jusqu'à maintenant. Donc, c'est pour dire, même les koufars athées, scientifiques ou autres, ils acceptent, ils reconnaissent qu'il y a des limites. Ils ne peuvent pas tout comprendre. Et en particulier dans les questions qui ont rapport avec Allah, avec les éléments de la foi en le raid, tu ne peux pas prétendre que tu vas tout comprendre en te basant sur ta logique. Ce n'est pas possible. Hein? Et il dit, on va s'arrêter ici, il dit وَمِنَ الْمَعْلُومِ لِلْمُؤْمِنِينَ أَنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. Donc ça c'est connu que les croyants, c'est connu pour les croyants que Allah a envoyé son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec la guidance et la religion de vérité pour qu'elle ait le dessus sur toutes les autres religions. Et Allah est suffisant comme témoin. Donc, on va s'arrêter ici. On expliquera cette partie-là au prochain cours, Inch'Allah. Subhanakallahu bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum. جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم وفيكم بركة إن شاء الله.